Dans la campagne française, Rose a 14 ans quand son père la vend comme servante à une famille de notables. Emmenée de force dans un château, Rose découvre les terribles secrets de ses maîtres. Son seul refuge, les mots, qu'elle écrit dans ses carnets pour ne pas oublier, pour garder le contrôle de sa vie. Née d'aucune femme, le nouveau roman de Franck Bouys, un chef-d'œuvre de suspense digne des plus grands romans français, déjà lauréat de 10 prix littéraires. Née d'aucune femme, de Franck Bouys, aux éditions La Manufacture de Livres. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Théophile Gautier a eu dans sa vie comme dans son œuvre une constante attitude d'artiste. Il a vécu dans la fiction et dans la beauté, quitte à la fabriquer ou à la rêver, cherchant à s'éloigner toujours un peu plus d'une réalité jugée trop banale, en s'évadant par le voyage, par la fantasmagorie, par l'amour et même par les paradis artificiels. Il nous laisse une œuvre aussi attachante que divertissante, érudite et ironique, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi, c'est Stéphane Guégan qui nous parlera de Théophile Gautier, critique d'art, lui dont la première vocation était la peinture. La veille mercredi, nous serons avec François Brunet pour le suivre au cours de ses voyages et pour parler aussi de sa critique musicale et chorégraphique. Et enfin demain, Paolo Tortonese évoquera pour nous son œuvre qu'il qualifie de vaste musée où s'animent les vestiges d'un passé révolu. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Théophile Gautier, nous sommes en compagnie de Gérard de Senneville, ancien haut fonctionnaire, historien de la vie littéraire au XIXe siècle, auteur de la biographie de Maxime Ducamp aux éditions Stock en 1996, tout comme de celle de Théophile Gautier, publiée en 2004 chez Fayard. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Peut-être le pain sur la planche qui m'a manqué pour être un de ces quatre grands du siècle. Pourquoi n'aurais-je pas atteint Hugo ? Eh bien, il y a des jours où cela me mélancolifie. Mais la pâtée, voilà 30 ans que je la donne autour de moi. Mon père, mes sœurs, mes enfants, j'ai fait vivre tout ça. Au fond, il y a un grand mystère autour de moi. Je suis aimé, sympathique, je plais généralement, je n'ai pas d'ennemis, j'ai un talent qui est reconnu. Eh bien, voulez-vous me dire comment il se fait ? Que tout ce que les autres obtiennent, moi, c'est impossible. On me dit que je ne demande pas, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose dont je ne me rends pas compte. Tenez, n'est-ce pas, je vous parle de cela d'une façon toute théorique. Tenez, comme exemple, Sassi, qu'est-ce qu'il a fait pour être du Sénat ? Et Mérimée, j'ai bien autant de droits que lui, n'est-ce pas ? L'Académie, vous avez vu, c'est la même chose. Une place. Est-ce qu'ils ont jamais songé à me donner une place ? Dans leur musée, c'est la même chose. J'ai pourtant écrit sur l'art. Pourquoi ? Et on commence avec ces propos de Théophile Gautier rapportés par les frères Goncourt dans leur journal. Bonjour Gérard de Senneville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez l'impression, comme Gautier lui-même, qu'il n'a pas été reconnu à la hauteur de son talent ? Non. À son époque, son talent était follement reconnu. Alors, il a toujours eu, même s'il invente un tempérament très, très gai, comment dirais-je, il a toujours un peu rechigné, renaclé contre la vie, la meule du feuilleton, etc. Là, c'est avec justesse qu'il dit qu'il a été refusé 4 fois à l'Académie et on lui a préféré des gens comme le père Gratry, Autran, Barbier, qui ne sont pas devenus immortels. Donc il était sensible aux honneurs, comme ça ? Ah oui. En réfléchissant, oui, et... À l'époque du Second Empire, à partir du moment où il est devenu le critique du Moniteur. Il a recherché, sinon des honneurs, du moins des avantages, et il les a obtenus. Il a eu une pension du ministre de l'Intérieur ou du ministre d'État. La princesse Mathilde en a fait son bibliothécaire avec 6000 francs d'appointement alors qu'il n'y avait rien à faire. Donc effectivement, mais si vous voulez, ce n'est pas ce qui est important chez Gautier. Il a des qualités formidables. Il est prodigieusement doué, il a une facilité d'écriture et une qualité d'écriture fantastique. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Que ça soit un ballet comme Gisèle, le récit d'un voyage comme son voyage en Espagne, etc. Tout ce, et même des vaudevilles. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Et à son époque, il est vraiment reconnu comme une célébrité et un grand poète. Est-ce qu'il a fait de sa vie une œuvre d'art aussi? Parce qu'il fallait pour lui que l'art se trouve partout. Vous dites qu'il a été flamboyant en tous les cas. Alors, Gautier avait peut-être deux défauts, parmi beaucoup de qualités dont nous parlerons. L'un, c'est de n'avoir pas peur de se mettre en contradiction avec lui-même, et l'autre, surtout, j'utilise les termes de Flaubert, il manquait de caractère. De caractère. Et ce manque de caractère lui a joué des tours aussi bien dans sa carrière littéraire que dans sa vie sentimentale. Car Gautier, en quelque sorte, était incapable d'initiative et prenait ce qui venait. Vous voulez dire donc, que c'était une girouette? Je dirais que ça paraît très péjoratif, ce terme de girouette. En fait, ça ne l'est pas, et j'en parle avec vraiment beaucoup d'amour pour lui, mais à tout moment, il se met en contradiction avec lui-même. Tenez, son chef-d'œuvre en prose, c'est la préface de Madame de Maupin. Mm-hmm. Le chef-d'œuvre absolu, où il se moque à la fois des critiques qui font l'éloge de la vertu et qui savent très bien dans toute œuvre déceler une nudité et aller à la nudité comme le porc à la fange. Et puis c'est une critique des critiques terrible. Le cheval hongre qui jalouse les talons, etc. Eh bien, un an après, Gautier entre à la presse et il va devenir critique toute sa vie. Mmh. Mais il restera critique envers lui-même. Et je vois par exemple, dans les années 60, sur l'album d'une jeune femme qui reçoit, on dirait un presse-book, elle lui demande d'écrire des vers. Et il écrit, si ma mémoire ne me trahit pas, « Au poète divin, je ne suis plus des vôtres. On m'a bâti une niche où je suis tapis au bas du journal comme un dogue accroupi. » Et là encore, il fait une critique, des critiques qui dépècent les vers au lieu de les écrire. Mmh. Donc voilà le type d'incohérence. Un autre exemple, en tant que critique, il est, je dirais, plein d'humour et il descend, si l'on peut dire, tous les vaudevilles qui passent sur les théâtres à l'époque. Eh bien, quand il revient de son voyage en Espagne, il écrit un livre qui est un grand succès, Le voyage en Espagne, Outre Los Montes, et puis Hector Roqueplan, le directeur du théâtre des variétés, lui propose de faire un vaudeville. Eh bien, il le fait et c'est aussi un succès. Alors, on va revenir sur cette préface à Mademoiselle de Maupin, parce que c'est vrai que c'est un peu la matrice de qui est Théophile Gautier, Gérard de Senneville. Il a donc été, on le comprend, à la fois journaliste et à la fois poète, est-ce qu'il est plus l'un ou plus l'autre? On a l'impression qu'il est un romantique au début de sa vie, il est contre ce qui est établi, et puis comme vous venez déjà de nous le dire, Gérard de Senneville, finalement à la fin il fait un petit peu partie des puissants. De quel côté se situe-t-il selon vous? Ah ben, pour moi c'est très clair, c'est un grand poète, c'est évident. Et par exemple, Aimon et Camus, c'est rempli de chefs-d'œuvre. Dès qu'il utilise les vers courts, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est un immense écrivain. C'est peut-être, à mes yeux, l'écrivain français qui manie le mieux la langue française, une langue pleine de couleurs, richesse de vocabulaire, etc. Et puis, c'est un grand poète. Baudelaire lui-même le reconnaissait. Puisqu'il a dédié Les Fleurs du Mal à Théophile Gautier. C'est ça. Avec, effectivement, une écriture tout à fait différente. Là, il cisèle ses poèmes. Ils ne sont pas comme dans la... comme dans la prose, des phrases très amples, etc. Là, vraiment, c'est très délicat et c'est délicieux. Écoutez la Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Théophile Gautier et à présent de sa biographie avec vous, Gérard de Senneville. La biographie de cet homme qui commence le 31 août 1911 dans une modeste maison que l'on peut d'ailleurs peut-être encore voir aujourd'hui à Tarbes, hein, dans une rue qui a changé de nom, 34 rue de Brault-Auban, alors qu'elle s'appelait à l'époque la rue du Vieux-Bourg. Dans quel type de famille naît Théophile Gautier? Eh bien, son père était un employé du cadastre à Tarbes, et sa mère appartenait, si je veux dire, à une famille qui vivait dans l'orbite des Montesquieu, une grande famille du sud-ouest. Le père d'Adèle Gautier était intendant d'un des châteaux en région parisienne, et son beau-frère, intendant du château de D'Artagnan. Les D'Artagnan qui existent encore aujourd'hui. Oui, absolument. Plus anciennes familles. Et puis, l'abbé duc de Montesquieu, qui était ministre de l'Intérieur de Louis XVIII, a demandé à Pierre Gautier de monter à Paris. Il lui a fait avoir un poste de chef de bureau à l'Octroi. Et en même temps, Gautier père s'occupait des affaires financières de l'abbé de Montesquieu. Mais pour parler du père de Théophile Gautier, c'était un homme très cultivé. C'est grâce à lui que Gautier a une culture des lettres antiques, et il a toujours poussé son fils, s'est intéressé à lui. Donc ce fut un excellent père. Un père extrêmement dévoué. On a l'impression qu'il veut absolument tout ce que son fils veut. Vous êtes interrogé sur les liens qui les reliaient l'un à l'autre et sur l'effet que ce père tout entier dévoué à son fils. D'abord, il croyait dans les talents de son fils, qui se sont manifestés très tôt, parce que c'était un petit garçon très doué. Donc, aussi à 5 ans, dit-on qu'il il apprend tout seul à lire. Très bien. Et il commence à écrire des poèmes, et puis aussi il dessine, il peint très bien. Et pour encourager son fils, il le fait entrer dans l'atelier du peintre Rioux. Mais en même temps, quand Gautier, après avoir connu Hugo, décide de faire une carrière littéraire, c'est le père Gautier qui va financer à compte d'auteur le premier livre de poésie de Théophile Gautier. Alors, il faut dire que quand la famille quitte Tarbes, ce n'est pas pour le plus grand plaisir du petit Théophile, et même bien au contraire, parce qu'il va être le souffre-douleur de ses camarades de classe. C'est important, ça, croyez-vous, pour la psychologie ensuite de Théophile Gautier? Non, d'emblée, Théophile Gautier s'est senti mal à l'aise à Paris, donc il parlait le gascon, donc il était étonné que tout le monde parle français autour de lui, etc. Quand il est entré au collège, à Louis le Grand. Effectivement, là, il était un peu la risée des élèves et son père l'a fait quitter le collège pour le faire entrer dans un autre établissement, Charlemagne, où là, ça a bien marché. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de son ami Gérard de Nerval. Voilà, il y a beaucoup de gens très intéressants dans autour ce collège, Gautier, autour de sûr. Lui. Donc, il y a Nerval. Il y a aussi Auguste Maquet, qui sera le collaborateur de Dumas. Oui, absolument. Et alors, avec Nerval, quel est le lien? Parce qu'il a 3 ans de plus, à peu près. Qu'est-ce que Nerval va lui apporter? Il joue un rôle très important dans sa vie. D'abord, c'est Nerval qui va le chercher dans l'atelier d'Oriou avant la première d'Hernani pour le recruter dans la claque de Hugo. Donc ça va être un moment décisif pour Gautier. Mais par la suite, c'est Nerval qui va lui faire connaître des gens comme Camille Rogier, le peintre, qui va pendant 2 ans accueillir impasse du Doyenné, toute une colonie d'artistes, etc., dans lesquels on trouvera le futur Maquet. Donc c'est son introducteur alors dans monde artistique et puis, romantique. Il collabore également. Quand Gautier commence à écrire la critique dramatique dans la presse, il le fait en binôme avec Gérard de Nerval. Donc jusqu'à la fin de la vie de Nerval, oui. Ces deux-là vont rester amis, proches. Ah oui. Et effectivement, Ducamp raconte la dernière rencontre de Gautier et de Nerval, quand par une nuit de neige, etc., il fait froid, Nerval vient les voir, Ducamp et Gautier, dans les bureaux de, ça doit être la Revue de Paris, ou Nerval n'a même pas de manteau, donc Gautier lui propose de venir dîner chez lui, etc. Nerval refuse, et quelques jours après, on le retrouvera pendu. Est-ce que c'est Nerval aussi qui permet à Gautier de rencontrer Victor Hugo, dont on sait à quel point, et dont on va raconter d'ailleurs à quel point il est important? Je vous le disais à l'instant. Mais même avant la bataille d'Hernani, non? C'est au moment de la bataille d'Hernani qu'en recrutant Gautier pour la claque, il va permettre ensuite à Gautier de rencontrer Victor Hugo. Cette bataille d'Hernani dont il a été question dans les mémoires de Théophile Gautier. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. "25 février 1830. Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractère flamboyant. La date de la première représentation d'Hernani. Cette soirée décida de notre vie. Là, nous reçûmes l'impulsion qui nous pousse encore après tant d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout de la carrière. Bien du temps s'est écoulé depuis et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l'enthousiasme de notre jeunesse. Et toutes les fois que retentit le son magique du cor, nous dressons l'oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats. Le jeune poète, avec sa fière audace et sa grandesse de génie, aimant mieux d'ailleurs la gloire que le succès, avait opiniâtrement refusé l'aide de ces cohortes stipendiées qui accompagnent les triomphes et soutiennent les déroutes. Les claqueurs ont leur goût comme les académiciens. Les haines littéraires sont encore plus féroces que les haines politiques car elles font vibrer les fibres les plus chatouilleuses de l'amour propre et le triomphe de l'adversaire vous proclame imbécile. Cette soirée décida de notre vie, ou plutôt ces soirées, parce que il a assisté aux 30 premières représentations d'Hernani, Théophile Gautier. Ça a été des batailles furieuses, tout de même, Gérard de Senneville. Oui, enfin ça mais il faut le raconter. Mais j'ajouterai un petit commentaire à ce que vient de nous dire Théophile Gautier, par une voix interposée. C'est que, je vais vous parler des contradictions de Théophile Gautier, mais toute sa vie, il a été fidèle à son gilet rouge et à Victor Hugo. Donc le gilet rouge, il faut expliquer ce que c'est fondamental. Et ses dernières lignes qu'il écrira, seront consacrés à la bataille d'Hernani. Donc parce qu'il portait un gilet. Alors est-ce qu'il était de couleur rouge? Donc Nerval lui demande de recruter 5 complices pour former une petite brigade de 6 hommes pour participer à la claque. Et Gautier, pour s'habiller, fait venir son tailleur, lui propose, lui montre un croquis d'un gilet qui ressemblait plutôt à un pourpoint Renaissance. Le tailleur lui dit, mais c'est pas du tout à la mode. Gautier lui dit, ce sera comme ça. Et que choisissez-vous comme tissu? Et là, il choisit un beau morceau de tissu rouge vermillon. Et c'est ainsi vêtu, avec son gilet rouge, un pantalon vert d'eau, un habit noir, et puis un grand chapeau, et surtout une coiffure mérovingienne, comme il dit. Et un ruban de moire qui sert de cravate et de col de chemise. Voilà, et il s'introduit à la Comédie Française, où doit avoir lieu la première d'Hernani. Le lever du rideau est prévu vers 8 heures du soir, et dès 2 heures de l'après-midi, voilà les escouades romantiques qui pénètre dans le théâtre, qui n'est pas encore allumé, il y a juste quelques quinquets, et qui s'établissent tout de suite aux endroits stratégiques, c'est-à-dire le parterre des places debout derrière l'orchestre, où seront assis les partisans des classiques, au fond des galeries, et puis au paradis. Et puis tout ce beau monde commence, pour passer le temps, à sortir des saucissons et des jambons du sac, à saucissonner, et puis on attend le moment où enfin on allume le lustre et puis les spectateurs payants commencent à entrer, donc tous les vieux classiques. Et Gautier, dans ses souvenirs romantiques, décrit comment effectivement il salue les jolies femmes comme Delphine Gay, et puis on chahute quand on voit apparaître des vieux messieurs. Et dès le lever du rideau, ce qui était prévu, dès le premier vers, le fameux « c'est à l'escalier dérobé », alors tonnerre de sifflets du côté des classiques, tonnerre d'applaudissements du côté des romantiques, et en fin de compte, ces derniers sont plus jeunes, ont plus de voix, etc. Et c'est eux qui, à la fin de la pièce, emporte le succès. Ce sera une première bataille parce qu'il y en aura 29 autres. Mmh. Et les 30 représentations se passeront de la même manière. En tout cas, son image s'est figée pour l'éternité autour de ce gilet vermillon. Donc, pourquoi cette couleur? Parce que, dit-il, nous voulions la vie, la lumière, le mouvement, l'audace de pensée et d'exécution, le retour aux belles époques de la Renaissance et de la vraie Antiquité, et nous rejetions le coloris effacé, le dessin maigre et sec, les compositions pareilles à des groupements de mannequins que l'Empire avait légués à la Restauration. Il rejetait le grisâtre pour le flamboyant. Exactement. Alors, le vêtement, on voit, c'est déjà important pour Théophile Gautier. Est-ce que la bataille d'Hernani, c'est aussi une bataille de dandy? Non, c'est-à-dire, tous ces jeunes romantiques s'habillaient de manière très originale pour l'époque, avec des pourpoints Renaissance, des vestes à brandebourgs, etc. Il y avait des chevelures excentriques, etc. Bon, c'est pas fondamental, ils étaient comme ça. Et d'ailleurs, dans son roman Les Jeunes France, Gautier, tout en étant un des Jeunes France, se moque d'eux. Et ça montre, on parlait de ces contradictions tout à l'heure, c'est aussi une qualité. Il y a de l'autodérision toujours. Oui, absolument. Chez Théophile Gautier. Oui. Donc, c'est un aspect pittoresque. Enfin, quand même pas seulement, parce que l'esthétisme, c'est fondamental pour Théophile Gautier. Pour lui, c'est fondamental. Et il l'annonce, ses idées ne changeront pas. Donc c'est pour ça qu'il faut corriger ce qu'on disait sur ces inconséquences. Sur la question de l'art, ces idées ne changeront pas. Voilà, ça, on absolument peut s'entendre là-dessus. Et dès la préface d'Albertus, qui est très très courte, il annonce qu'il privilégie l'art sur ce qui est utile. Il privilégie la beauté sur l'utilité, et il reprendra de manière beaucoup plus développée et amusante dans la préface de Mademoiselle de Maupin. Là, il ne variera jamais. Rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le monde n'en souffrirait pas matériellement. Qui voudrait cependant qu'il n'y eût plus de fleurs? Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu'aux roses. Et je crois qu'il n'y a qu'un utilitaire au monde capable d'arracher une plate-bande de tulipes pour y planter des choux. À quoi sert la beauté des femmes? Pourvu qu'une femme soit médicalement bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des économistes. À quoi bon la musique? À quoi bon la peinture? Qui aurait la folie de préférer Mozart à M. Carrel et Michel-Ange à l'inventeur de la moutarde blanche? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Car c'est l'expression de quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Moi, n'en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, et j'aime mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu'ils me rendent. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cet extrait de la préface à Mademoiselle de Maupin qui date de 1835. Gautier a alors 24 ans et on entend à quel point le jeune Gautier expose sa façon de voir des choses qui est une manière d'esthète quand même. Avant tout, quelle est la place de la politique pour le jeune Théophile Gautier, parce que les romantiques quand même sont intéressés alors, par la politique en général. Dans cette même préface de Mademoiselle de Maupin, un peu plus loin, il dit « Je serais prêt à prouver, il le dit beaucoup mieux que ça, hein, « Je serais prêt à prouver le retour de Charles X du moment qu'il m'amène une caisse de vin de toqué. » Ça veut dire « Je me moque de la politique ». Il ne s'en est pas quand même tout à fait moqué, parce que peu lui importait les personnes qui étaient au pouvoir. Mais il les a toujours fréquentées. Donc il était indifférent en politique, mais aimait être proche du pouvoir politique, ce qui fait qu'il écrit des poésies pour la naissance d'un des fils de Louis-Philippe, et il va écrire une poésie pour la naissance du prince impérial. Est-ce que ça fait de lui un opportuniste ? Je pense que dans sa carrière, oui, il était intéressé. Je pense qu'il avait une indépendance intellectuelle totale, mais dans, si l'on peut dire, la gestion de sa carrière et de ses ressources, là, il était très pratique. Parce qu'au fond, ça n'intéressait pas plus que cela de se préoccuper de politique. Mmh. Ce qui l'intéressait, c'était de faire évoluer son art ou de faire évoluer l'art en général. Ah, absolument. La seule chose qui l'intéressait, c'est l'art en général, la beauté et ce qu'il écrivait. Ses romans, ses poésies, etc. C'est son seul intérêt. Donc, on ne voit prendre des positions sur le plan politique. Oh, je dirais juste après la Commune, où alors là, il a été effectivement scandalisé. Oui, les communards, il ne les aimait pas beaucoup. Non. Parce qu'il en avait souffert, et puis quand il a vu, comme beaucoup de gens à l'époque, même George Sand, l'état de Paris, les monuments brûlés, etc., il s'en est indigné. Mais d'ailleurs, il n'avait pas de chance avec les révolutions, car là, La révolution de 1830 a fait que son livre de poésie est passé inaperçu. Donc son premier livre de poésie. Et ça a ruiné son père. Oui, parce qu'on n'a pas raconté que son père, qui donc s'occupait de l'argent de Montesquieu, a joué sur des obligations d'État de manière un petit peu malheureuse quand même. Oui, absolument. Et a perdu l'argent de son commanditaire en grande partie ou en partie. Donc on peut dire qu'en dehors de ces événements où il réagit, non, il n'a pas du tout d'opinion politique et il s'en moque. Il aura quand même les faveurs de l'Empire, dans le sens où il se rapproche tout de même de, peut-être pas de Louis-Napoléon Bonaparte directement, mais enfin de son entourage. Il l'approchera, il était un proche de la princesse Mathilde. Quand il a fait le choix de quitter la presse pour entrer au Moniteur, il savait ce qu'était le Moniteur. C'était le journal du gouvernement. Ses amis, comme Ducamp, etc., le lui ont beaucoup reproché. Donc là, il savait ce qu'il fait. Il a bénéficié des faveurs de l'Empire, sans toutefois jamais se trahir profondément. Et je vous disais que même sous l'Empire, il n'a jamais trahi Victor Hugo. Il a une éthique personnelle. Oui, oui. C'est fondamental pour lui. Donc, notamment, bon, c'est une petite anecdote, quand il y a à Paris une reprise d'Hernani, dans le Moniteur, il fait une critique superbe, élogieuse, etc. Et il a la surprise que son feuilleton ne paraisse pas le lundi. Il s'en étonne. Il en parle à le directeur du Moniteur, Paul Dalloz, qui lui dit « Oh, ben, vous avez un peu fait trop d'éloges, il faudrait un peu atténuer, etc. » Et à ce moment-là, Gautier est rentré chez lui, il a écrit une lettre de démission du Moniteur, il a été voir le ministre de l'Intérieur, qui avait la tutelle du Moniteur, en disant « Voilà deux textes. Ma critique d'Hernani, ma lettre de démission, je ne changerai pas une ligne à l'un de ces textes, vous choisissez celui que vous prenez. » Et le ministre de l'Intérieur a choisi la critique d'Hernani. Il faut parler, Gérard de Senneville, de ce petit cénacle. On revient là quand même dans la jeunesse de Théophile Gautier, parce qu'il est vraiment au cœur du cercle des romantiques avec ce petit cénacle. De qui est-il constitué ? D'un certain nombre de personnages pittoresques, comme Petrus Borel, qui était un architecte, mais qui se piquait de littérature, et on voyait que c'était le successeur de Victor Hugo. Et pourtant, bon, on se souvient de Petrus Borel, mais enfin, quand même pas tant que ça, si. Oui, parce que il s'est dispensé d'écrire. Il a écrit les Rhapsodies. C'est un écrivain sans œuvre. Et ce qui différencie Gautier de tous ses membres du Cénacle, c'est que lui seul écrivait. Et donc, tout de suite, il a pu commencer à bâtir une carrière en publiant des articles dans des journaux, etc. Alors que les autres, il y en avait un, Bouchardy, lui va faire une carrière d'auteur dramatique intéressante, mais un autre avait comme idée d'écrire un traité sur l'incommodité des commodes. Mais il n'en a jamais écrit une ligne. Donc c'était des jeunes gens qui refaisaient le monde, se réunissaient bruyamment. Il y avait notamment un restaurant italien à Neuilly qui faisait des macaronis superbes. On buvait éventuellement le vin dans des crânes, etc. Mais alors certains d'entre eux ont vraiment produit, comme Auguste Maquet, Quoique dans l'ombre d'Alexandre Dumas, Nerval aussi. Mais un grand nombre ont sombré dans l'inconnu. Alors, ce qu'ils détestent aussi, ce sont les philistins, les bourgeois, et en même temps, ils aspirent un petit peu, enfin, plus tard dans leur vie en tout cas, certains d'entre eux deviendront des bourgeois. Ils ont un rapport à l'argent, même s'ils n'en ont pas toujours beaucoup, enfin, ils ne le refusent pas du tout. Oui, on peut dire ça, effectivement, comme ça. Oui, ils se moquent de l'habit des bourgeois. À la bataille d'Hernani, il y avait beaucoup de messieurs chauves. J'ai tort d'évoquer cette anecdote, mais les romantiques les appelaient, ils criaient les genoux au balcon. Donc, effectivement, ils se moquaient de tout ce qui était les bourgeois. Mais effectivement, dans la suite de leur carrière, on voit que Gautier, tout en conservant une allure originale, bon, ses cheveux ont raccourci, puis il s'est fait pousser la barbe, etc. Mais finalement, on s'habille comme un bourgeois, avec une jaquette et... Enfin, comme un bourgeois bohème, on pourrait résumer les choses comme ça. Il a toujours été original. Ouais. Donc, on ne peut pas dire, effectivement, qu'il vivait en bourgeois ou autre, qu'il pensait en bourgeois. Non, il est toujours resté original. Mais il s'intéressait beaucoup à ce que produisaient ses œuvres. Donc tous ces jeunes gens, à un moment donné, vont habiter dans un quartier de Paris qui n'existe plus aujourd'hui, parce que c'est un quartier qui a été rasé, c'est ce petit amoncellement de rues qui se trouvait dans le Louvre. Effectivement, à cette époque-là, au milieu de ce qui était la cour Napoléon, et puis là où il y a le carrousel, etc., donc entre le Louvre et le palais des Tuileries, il y avait bien sûr la galerie du bord de l'eau, mais tout cet espace était fait de vieilles maisons, de petites rues, etc. C'était la campagne à Paris, et, pour le coup. Camille Rogier, un peintre des amis de Gautier, avait loué à l'étage noble d'une de ses maisons un très bel appartement, et il le sous-louait à Arsène Housset, qui a aussi joué un grand rôle auprès de Gautier, et à Nerval. Et là, se retrouvaient à cet endroit toute une série de joyeux artistes. Pour vous décrire un peu l'ambiance, par exemple, dans un magnifique salon, il y avait des glaces. Et une glace s'est trouvée fendue. Il y avait beaucoup de peintres dans la bande, non seulement Rogier, mais Chassériau ou d'autres. Et l'un d'entre eux a commencé à utiliser la fente pour la décorer avec des fleurs. Et puis tous les peintres s'y sont mis et ont commencé à peindre des bacchantes avec des tigres en laisse ou un moine lisant la Bible sur les hanches d'une femme dénudée, etc. Et quand le propriétaire a découvert tout ça, il s'est scandalisé. Ça vous donne un peu l'ambiance qui régnait à l'impasse du Doyenné. Quand je lis par hasard un de ces beaux sermons qui ont remplacé dans les feuilles publiques la critique littéraire, il me prend quelquefois de grands remords et de grandes appréhensions. À moi qui ai sur la conscience quelques menus gaudrioles un peu trop fortement épicés, comme un jeune homme qui a du feu et de l'entrain peut en avoir à se reprocher. Puis, quand je pense que j'ai rencontré sous la table, et même ailleurs, un assez grand nombre de ces dragons de vertu, je reviens à une meilleure opinion de moi-même, et j'estime qu'avec tous les défauts que je puisse avoir, ils en ont un autre, qui est bien, à mes yeux, le plus grand et le pire de tous. C'est l'hypocrisie que je veux dire. En cherchant bien, on trouverait peut-être un autre petit vice à ajouter. Mais celui-ci est tellement hideux qu'en vérité, je n'ose presque pas le nommer. Approchez-vous, et je m'en vais vous couler son nom dans l'oreille. C'est l'envie. L'envie, et pas autre chose. Thank you. Théophile Gautier manquait peut-être un peu de caractère, dites-vous, Gérard de Senneville, mais il a quand même une constante, c'est qu'il déteste l'hypocrisie, comme on vient de l'entendre ici, toujours dans un extrait de Mademoiselle de Maupin. Il n'aime pas l'hypocrisie, il aime dire aussi ses défauts quand il en a, et il en a un certain nombre. Par exemple, avec les femmes, il n'est pas d'une très grande constance, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Non, et c'est là aussi où l'on voit son manque de caractère. Bon, au départ, il papillonne, mais il ne prend jamais de décision. Sa seule décision possible, c'est éventuellement la fuite. Alors, à l'époque... La fuite est parfois la meilleure des décisions, vous savez. De l'impasse du doyenné, trois femmes comptent dans sa vie. Il y a d'abord la charmante Cydalise, qui est la maîtresse de Rogier, et Gautier en devient amoureux et jalouse terriblement Rogier. Il a aussi une maîtresse officielle qui... C'est-à-dire qu'il y en a tellement des maîtresses officielles surtout, ou officieuses avec Théophile Gautier. À cette époque, il retrouve Eugénie Faure, qui est une jeune femme dont il a fait la connaissance quand il habitait avec ses parents, Place Royale, à côté de Victor Hugo. Qui l'emmenait visiter les tours de Notre-Dame en lui récitant des poèmes. Et là, donc il retrouve Eugénie Faure, et celle-ci d'ailleurs lui fait des avances. Et bref, ils couchent ensemble, et pendant quelques mois, ça va être idyllique. Sauf à l'arrivée d'un bébé, le fils de Théophile Gautier, qui sera surnommé Toto, oui, absolument. Donc, Théophile Gautier fils. Et là, Gautier fuit. Il ne veut pas reconnaître l'enfant, il ne veut pas se marier. C'est quand même un peu un goujat, alors. Oui, là, ah oui, non, vis-à-vis des femmes, tout à fait. La pauvre Cydalise est morte de tuberculose. Rogier l'a accompagnée, etc. Gautier n'a pas assisté à son enterrement. Plus tard, ça lui inspirait de très beaux vers, notamment dans le château du souvenir, etc. Mais alors, pour en revenir à Eugénie Faure, refus total de reconnaître l'enfant ou de se marier, si bien que le frère d'Eugénie, Charles, lui envoie ses témoins pour le provoquer en duel. Et malgré les amis qui conseillent, non, tu vas pas te battre en duel, Eugénie est charmante, etc., il se bat en duel, et c'est un des témoins de Charles Fort, qui a été légèrement blessé au bras, qui finalement réussit à convaincre Gautier de ne pas poursuivre le combat, mais de reconnaître l'enfant. Mmh. Et par la suite, il conservera d'excellentes relations avec Eugénie Faure. Mais là, je ne sais pas si vous entendez développer ça, là où ces contradictions sont le plus apparentes, c'est dans ses relations avec les deux sœurs Grisi, Ernesta et Carlotta. Carlotta Grisi, dont il est très amoureux, et sa sœur Ernesta, à qui il fait des enfants. Voilà. Avons-nous le temps d'en parler un peu ? Allons-y, bien sûr. Effectivement, à son retour du voyage en Espagne, Gautier assiste à l'opéra, à un pas de deux, dans un opéra de Donizetti, La Favorite, entre Petit Pan, un danseur célèbre, et une jeune ballerine italienne, Carlotta Grisi. Il est vraiment séduit, si bien que Gautier, qui n'a jamais écrit un livret de ballet, a cette idée d'écrire un ballet. Il s'associe avec un librettiste célèbre, Saint-Georges, et va proposer à l'opéra ce qui sera le ballet Gisèle. Qui sera un énorme succès. Énorme succès, c'est le plus grand succès dans l'histoire de la danse. C'est le ballet le plus joué au monde. Mmh. Et sur les couloirs du métro, vous voyez aujourd'hui des affiches de Gisèle qui sera repris en janvier. Donc c'est comme Carmen pour l'opéra, Gisèle pour le ballet. Et pendant qu'on prépare le ballet, il assiste à toutes les répétitions, il est aux anges parce qu'il est séduit par Carlotta, qui est une merveilleuse danseuse. J'ai cours parce que le récit, c'est très long. Mais bref, il en est amoureux. Mais est-ce qu'elle en est tout à fait amoureux? On ne sait pas. Peut-être un Carlotta peu moins. Carlotta revient vivre à Paris, chez sa mère. Elle a rompu avec un autre danseur célèbre, Perrault. Et là, Gautier va faire la connaissance de la sœur de Carlotta, Ernesta. Et au cours d'un voyage à Londres pour aller voir danser Carlotta, Gautier tombe dans les bras d'Ernesta. J'écoute beaucoup le récit et Ernesta va devenir sa maîtresse. Carlotta en sera très troublée. Elle va être malade, ne dit pas qu'elle est jalouse, mais elle va cesser de voir Gautier et va aller danser ailleurs. Et Gautier vivra maritalement avec Ernesta pendant, je crois, 22 ans. Ils auront deux filles. Et c'est bien plus tard, en 1861, que Gautier va retrouver sa famille à Genève dans la maison de Carlotta, qui est entretenu par un prince lituanien, et il va retrouver Carlotta dans cette maison près de Genève, et il va reconnaître que c'est d'elle dont il a été toujours amoureux. Les histoires de cœur. Hein. Faudra dire quand même qu'il va finir assez seul, Théophile Gautier, puisqu'il va être justement quitté par Ernesta. C'est pas très agréable la fin de oui, Théophile Gautier de ce point de vue-là. C'est dû à un conflit avec sa fille, qu'il aimait beaucoup, Judith, qui est tombée amoureuse de Catulle Mendès. Gautier ne voulait pas de ce mariage et au cours d'un de ses séjours à Genève, il apprend que Ernesta a reçu Catulle Mendès. Donc il est furieux, décide de rompre et il donne à Ernesta une maison qu'il a fait construire à Neuilly par l'architecte Garnier. Et ils vont se séparer et lui va continuer à vivre à Neuilly avec sa fille Estelle et à beaucoup voir Carlotta. Bon, alors il faut parler quand même un petit peu de tout un aspect qu'on a déjà évoqué avec vous, Gérard de Senneville, de la vie de Théophile Gautier. C'est le côté journaliste, mais c'est évidemment pas un journaliste comme on se l'imagine aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être journaliste pour Théophile Gautier? Ah ben écoutez, c'est très très important, c'est presque le point le plus important à évoquer dans cette émission. Donc Gautier devient critique dramatique à la presse. Ses feuilletons ont beaucoup de succès et ça lui donne un grand pouvoir. Car à cette époque, le théâtre, c'est un peu comme la télévision aujourd'hui ou le cinéma dans les années 50. C'est un monde déterminant et puis il y a des enjeux économiques terribles. Donc une critique de Gautier qui peut remplir ou non une salle en fait une puissance. Et c'est ce qu'il fait parce que lui, il fait et défait les réputations. C'est ça. Alors, Gautier n'était pas intéressé. Gérardin, le patron de la presse, avait fait des confidences à Maxime Ducamp en lui disant « Gautier ne savait pas ce que c'était le journalisme, j'avais mis une fortune entre ses mains et il ne l'a pas su la prendre. » Car Gautier refusait d'être payé par les directeurs de théâtre qui le lui proposaient. En revanche, il utilisait beaucoup son pouvoir pour favoriser des amis et d'autres choses. Et, il animait une sorte de réseau quand même. Et à la fin, après d'ailleurs la création de la Revue de Paris, Gautier était au centre d'un réseau très important. Lui-même était critique dramatique à la presse et puis ensuite au Moniteur. Il écrivait dans l'Artiste. Ses amis Arsène Housset jouaient un rôle important dans la presse. Des critiques comme Paul de Saint-Victor tenaient la presse une fois que Gautier l'avait quitté pour le Moniteur. Xavier Aubrier écrivait un peu partout. Donc c'était tout un réseau qui fonctionnait à l'appel de Gautier. C'était donc une puissance énorme. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi tout le côté feuilleton, parce que travailler pour les journaux à l'époque, et c'est un peu comme Balzac, hein, dont il était proche d'ailleurs, c'est fournir de la copie chaque semaine, c'est la meule du feuilleton, c'est évidemment très, très difficile. Peut-être qu'il faut expliquer aux auditeurs ce qu'était le feuilleton. Le feuilleton, c'était la partie inférieure de la première page du journal. Et alors que la partie supérieure était composé en colonnes, on ne distinguait pas du tout les rubriques. Le feuilleton était confié à quelqu'un de célèbre. Et donc, le feuilleton de Gautier, qui a été chargé de la critique dramatique, pendant 30 ans, a eu une importance considérable, mais ça l'obligeait, c'est là où il parlait de la meule du feuilleton, à pondre un article toutes les semaines et puis avoir un certain nombre de pièces de théâtre. Alors, en fait, il était aidé pour cela par des amis comme Cormenin ou Ducamp, etc. Mais c'était quand même une grosse tâche. Et même s'il le faisait assez aisément, on raconte comment le dimanche soir, il écrivait son feuilleton d'un seul jet à l'imprimerie même, il râlait continuellement contre cette meule du feuilleton qui, selon lui, l'empêchait d'écrire des choses importantes. Mais est-ce que justement son œuvre littéraire en a pâti ? Est-ce que vous avez l'impression, parce que finalement elle n'a pas écrit tant que ça de livres, qu'il nous manque des choses à cause du journal ? Non, contrairement à ce que disait Gautier lui-même, je ne le pense pas. Parce que Gautier avait besoin d'écrire sous la contrainte et dans l'urgence. Et c'est là où il a écrit des chefs-d'œuvre comme Le Capitaine Fracasse, etc. Enfin, 10 ans quand même pour écrire Le Capitaine Fracasse, c'est pas vraiment l'urgence. Si vous me laissez le temps, on racontera comment ça. Malheureusement, mais également, je pense que ça a évité, en matière de poésie à Gautier, d'écrire ces grandes machines comme la Comédie de la Mort, qui, à mon avis, aujourd'hui est illisible, et à se consacrer qu'à des petits poèmes en octosyllabes ou en hexamètres, des poètes courts, et qu'il écrivait très, très facilement. Notamment, par exemple, en 48, c'est au dos d'une lettre d'huissier qu'il commence à écrire le poème de la femme, où il raconte comment Alice Ozy s'est déshabillée devant lui. Donc il les travaille, ça prend du temps, mais il a le temps de composer ses petits poèmes. Il y a quelque chose de l'ordre de la fulgurance chez Gautier, c'est peut-être là qu'il est le meilleur quand il est vraiment dans l'inspiration. Pour terminer, vous commencez votre biographie par là, Gérard de Senneville. Il faut dire un mot de son enterrement, parce que c'est vraiment l'enterrement d'un grand homme. Alors oui, il se plaignait de ne pas avoir eu la reconnaissance qu'il pensait mériter, en tout cas c'est ce que rapportent les frères Goncourt. Il a eu un enterrement incroyable, presque comme celui de Victor Hugo quelques années après. Oui, on raconte la messe d'enterrement s'était dite à l'église de Neuilly, et ensuite le cortège s'est acheminé vers le cimetière Montmartre, et on disait que quand la tête du cortège était à l'étoile, il y avait encore beaucoup de monde du côté de la porte Maillot. Mais comment vous expliquez ça? Parce qu'aujourd'hui, Théophile Gautier, on le lit quand même assez peu, à part Gisèle, le ballet dont vous parlez tout à l'heure. C'était dû au fait qu'il était très lu, ses feuilletons dramatiques étaient très connus, et puis mais aujourd'hui, pourquoi, il avait publié n'est plus d'actualité, un nombre de livres qui ont été des succès, qui étaient retirés, etc. Donc c'était une gloire littéraire et une puissance littéraire. Et on essaiera de voir tout au cours de la semaine de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui Théophile Gautier a un petit peu disparu de nos imaginaires? Merci beaucoup. J'aurais pas le temps de vous Gérard de Senneville, malheureusement. pas tellement le temps, mais pour aller plus loin, on peut lire la biographie que vous lui avez consacrée, Théophile Gautier, par Gérard de Senneville. C'est aux éditions Fayard. Tout de suite la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie de Guillaume Périlou, critique littéraire au magazine Têtu et Grazia. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez aujourd'hui de la parution des lettres et mémoires de Maria Callas. C'est aux éditions Albin Michel. Oui, des lettres et mémoires retrouvées et rassemblées pendant plusieurs années par Tom Wolfe, qui avait signé Maria by Callas, un documentaire magistral paru au cinéma il y a 2 ans. Tom Wolfe qui, aux quatre coins du monde, est allé chercher ces lettres que la Callas a tout au long de sa vie envoyées à ses proches. Et quant aux mémoires, il s'agit en fait d'un texte autobiographique que la chanteuse a dicté à la journaliste Anita Pensotti entre fin 56 et début 57, des mémoires en italien, la langue qu'elle a appris de son premier mari Giovanni Battista Meneghini. Maria Callas n'avait alors que 33 ans. Elle écrit « Mes mémoires sont dans la musique que j'interprète, la seule langue que je connaisse vraiment, la seule façon dont je puisse parler de mon art et de moi-même, et mes enregistrements, pour ce qu'ils valent, ont préservé mon histoire. » Celle que l'on surnommait la divine, elle souhaitait tout de même non pas s'exposer, plus encore qu'elle ne l'était. « Je déteste parler de moi », écrit-elle d'emblée, mais en fait rétablir la vérité sur des pans de sa vie racontés jusqu'alors avec inexactitude. Elle raconte ici l'enfance à New York avant le retour dans sa Grèce d'origine à l'adolescence, la guerre là-bas qu'elle évoque brièvement seulement car la plaie ne fut jamais vraiment cicatrisée et on sent l'émotion qui n'est pas feinte. Certains passages sont bouleversants comme celui dans lequel Maria Callas raconte le jour où elle a regagné l'Amérique, c'était en 1945, pour y démarrer enfin sa carrière. Ni sa mère ni sa sœur ne l'avaient accompagnée jusqu'au quai par peur de pleurer en la voyant monter sur le bateau. Elle n'avait pas un sou en poche, mais elle n'avait pas de crainte non plus. Elle écrit « J'allais vers l'inconnu et pourtant je sentais avec une extraordinaire clarté que je ne devais pas avoir peur. Il s'agissait d'un instinct, d'une foi illimitée en la protection divine, qui j'en étais sûr, ne m'abandonnerai jamais. Vous verrez, écrit-elle en suivant mon récit, comment la main de Dieu a toujours été au-dessus de ma tête. » Alors après ces mémoires, il y a donc eu les lettres écrites, non pas par la main de Dieu, mais par la Callas elle-même, entre 1946 et jusqu'à sa mort en 1977. Oui, et la première est adressée un an après son retour aux États-Unis à celle qui fut son maître, sa professeure à Athènes, Elvira de Hidalgo, celle à qui elle disait de voir en fait l'ampleur de son savoir lyrique. « Chanter pour moi, écrit la Callas, n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers ces cieux où tout est harmonie. » On peut aussi, par exemple, prendre une lettre écrite au début du mois de décembre 1949, soit il y a tout juste 70 ans. Elle l'écrit depuis Naples à destination de son mari, Giovanni Meneghini. « Mon très cher adoré, je te salue, amour. Pour le moment, je suis très en forme. Que Dieu m'aide. Prie, écris-moi. Ciao, mange. Et pense à moi, tout à toi, Maria. » Et ce qui frappe peut-être le plus dans toutes ces lettres, c'est le sentiment amoureux de la Callas qu'on lui connaissait déjà. Une femme entière et amoureuse, forcément, passionnément, puissante et fragile. C'est bien ce qui fit d'elle une légende. La chanteuse touchée par les dieux, incarnant les femmes brisées, des tragédies qui se confondaient avec sa propre vie. À partir des années 60, les représentations de Maria Callas se firent plus rares. Et recluse dans son appartement parisien du Trocadéro, c'est là qu'elle sombra dans l'attente d'Onassis, son second amour qui lui refusa le mariage et préféra finalement Jackie Kennedy. Un critique musical écrivait si justement en 1974 dans un journal américain, Callas a longtemps inspiré notre attention, notre gratitude, notre émerveillement. À présent, dans sa lutte et son épuisement, elle inspire et mérite à ses dépens et aux nôtres ce dont elle n'avait jamais l'air d'avoir besoin auparavant. Notre amour. Maria Callas est morte 3 ans plus tard chez elle à Paris. Elle n'avait que 53 ans. Les lettres et mémoires de Maria Callas sont publiées par les éditions Albin Michel. Merci Guillaume Périlou. À bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Marie-Claire Oumabadi. Demain, nous poursuivrons notre semaine consacrée à Théophile Gautier avec un tour des grands thèmes de son œuvre par Paolo Tortonese.